quart de seconde. J'ai vu sous son phare toute la beauté du monde. Un battement de cils et mon cœur s'embrase. Mon ventre se tord comme quand j'ai des gaz. Je l'ai regardé avec un air béat, le doigt dans mon nez, c'est figé des mois. À ce moment j'ai su que je l'avais perdu. J'aurais aimé revoir juste une fois son regard. Regarder un peu trop longtemps, j'ai pas vu arriver le camion devant. Il roulait bien trop vite et dans le mauvais sens. Ce qu'il s'est passé ensuite, je n'en ai pas bien conscience. Je me souviens d'un choc, d'une violence effroyable. Impossible de faire un constat amiable. Je suis mort sur le coup, j'ai pas tout compris. Un vieux parfum m'a dit bienvenue au paradis. J'attends, j'attends, j'attends pas.